le grain de sable d'Attaque Québec. À qui un autre monde est possible si a gente quiser. Aujourd'hui au Grain de Sable, le déclin de l'Empire américain et la permaculture. Bonjour, c'est Valérie Blouin au microphone pour la prochaine heure et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale, préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par Jeanne Gutiérrez. Une émission qui pose un regard critique sur l'actualité sociopolitique et économique autant au niveau national qu'international. Aujourd'hui, notre très cher producteur et fidèle chroniqueur, Cédric Leterme, brillera par son absence. D'autres obligations l'empêchent d'être avec nous. Toutefois, rassurez-vous, c'est un invité de premier choix qui le remplace ce soir, puisque nous aurons le plaisir de passer la première demi-heure avec, en compagnie de Robert Jasmin, co-président d'Attaque Québec, un collaborateur de longue date du Grain de Sable. Il viendra une fois de plus, à notre grand plaisir, commenter l'actualité américaine en relevant les signes évidents du déclin de l'Empire américain. Et oui, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Fabien Dubuis pour parler de permaculture. Des sujets fort emballants, alors encore tout un programme aujourd'hui, mais avant d'attaquer, on se quitte un court instant le temps d'une pause musicale. Restez bien branchés et retrouvez-nous tout de suite après au Grain de Sable, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive tes goûts. Quand je te revois, maman, c'est ça. Je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme, qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, issue de ce pays glacial. Maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'Africaine occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Elle grille ma couleur de peau. Elle grille ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés, niqués de la tête aux pieds. Génération très très marquée. Maman, ça m'est consternée. À cette époque où faire l'amour est un danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher Nick sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Ma couleur de peau, et ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'affront. Maman Sam, cette fois c'est décidé. M'éloigner de Paname fera le plus grand bien. Mais si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc bec de tous les Africains. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Et gris est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Non, je ne connais pas l'Afrique. On vient d'entendre Mama Sam de M. Merci Nicolas Montrand, Alors, j'aimerais rectifier alors le metteur en onde ce soir, et ce n'est pas Jeanne, mais bien, bel et bien Nicolas. Alors, merci de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec pour les auditeurs qui n'auraient pas eu leur compte il y a 2 semaines. Robert Jasmin est de nouveau avec nous, ici au Grain de Sable. Je rappelle que Robert Jasmin est le coprésident d'Ata Québec et un habitué de l'émission, puisqu'il en a assuré la réalisation jusqu'à l'année dernière. Vous pouvez l'entendre sur les ondes de CKRL dans l'émission de Raymond Poirier, un mercredi matin sur deux vers 7h50, ainsi que tous les samedis midi. Robert, bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de retrouver mon bercail. Ah oui, c'est sûr. Et c'est réciproque. Il y a 2 semaines, tu nous as parlé de Chalmers Johnson. Et donc un peu des finances aussi de la société américaine. Alors, j'ai l'impression qu'on entend parler du déclin de l'Empire de plus en plus souvent. Alors, Oui, puis un peu à ma grande surprise. Pas dans le sens que je ne voyais pas le déclin. Personnellement, j'ai eu l'impression d'un début de déclin à la guerre du Vietnam. Ah oui? Mais bon, passons. Je vais juste dire que autour de moi... je dis autour de moi, dans les documents sur lesquels j'ai mis la main récemment, je suis frappé par le nombre de textes qui traitent de cette prévision, et quelquefois venant de personnalités dont on ne s'attend nullement qu'ils emploient même l'expression « déclin de l'Empire américain ». Parce que même le mot « Empire américain » était autrefois réservé à ceux qui étaient ou qu'on qualifiait d'anti-américains. Il s'agissait qu'on dise empire américain ou impérialiste, puis on disait, bon, ça y est, un gauchiste. Je pense qu'il faut remarquer aussi que ce déclin vient étonnamment vite, rapidement. Il n'y a pas longtemps, on disait, fin des années 90, même début des années 2000, on disait le siècle va être le siècle américain. Et on peut dire que l'Empire, pour situer un petit peu les origines de l'Empire américain, on peut parler de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment à ce moment, quand le Japon était effondré, l'Europe était effondrée, l'Amérique latine était l'arrière-cour des États-Unis. On peut dire qu'à ce moment-là, les États-Unis prenaient toute la place. L'Union soviétique était considérée comme une menace, mais on ne peut pas parler, à toute fin pratique, d'empire mondial. C'était un empire à sa façon. Mais c'est un empire qu'on a vu non seulement décliner, mais s'effondrer brutalement et subitement en 89. Donc, il n'y a pas grand monde qui pensait que ça s'effondrait aussi vite. Et là, on assiste à un déclin qui frappe un peu l'imagination de tout le monde. Et je voulais juste apporter comme illustration 3 témoignages, trois auteurs. Le premier, c'est ça date d'hier, un texte qui date d'hier, Le déclin de l'Empire américain par Paul Craig Roberts. Qui est Paul Craig Roberts? C'était le... l'ancien directeur du Wall Street Journal, avant que le Wall Street Journal passe aux mains d'un extrémiste de droite, là, qui est le propriétaire de l'empire Fox News, News Corporation. Et Paul Craig Roberts, c'était le secrétaire, c'est pas n'importe qui quand même, secrétaire assistant du Trésor américain il y a quelques années. Et c'est lui qui donne un petit peu Le premier son de cloche. Le second, c'est toujours le déclin de l'Empire américain, même expression, par Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, c'est pas n'importe qui, c'est l'économiste qui maintenant est non seulement l'étoile montante, mais l'étoile montée aux États-Unis, qui est non seulement réputé comme économiste, mais qui est visionnaire. C'est un des seuls aux États-Unis qui avait annoncé la dernière crise économique financière. Puis l'autre texte, c'est celui de l'écrivain à succès Gore Vidal. Gore Vidal, qui a écrit un livre complet au titre vraiment explicite qui s'appelle The Decline and Fall of the American Empire. Alors, Gore Vidal, qui est un écrivain progressiste, va dans son livre expliquer sa position, mais on voit qu'il va beaucoup plus loin, parce que lui, il ne parle pas juste de déclin, il parle de la chute de l'Empire. Et juste, ça vaut la peine de s'attarder un petit peu sur des éléments de sa thèse. Il dit que, entre autres choses, ça on n'entend pas ça souvent, mais c'est d'une évidence à mes yeux. Il dit que dans... Bon, Gore Vidal est un Américain, donc il va parler de nos guerres. Hein. Il va dire, dans nos guerres à la défense de la liberté et de la démocratie et des droits humains, nous avons dû appuyer très souvent des régimes qui niaient la liberté, la démocratie et les droits humains à leur propre peuple. Il y a des exemples fascinants. Hein, juste quand les États-Unis ont appuyé le Sud-Vietnam, c'était un gouvernement corrompu où les droits humains étaient niés, où la liberté n'existait pas. On voit l'exemple de la Colombie aussi, par exemple. La Colombie, ben ça, c'est il n'y a pas eu de guerre, là, à proprement parler. Non, c'est pas ce qu'on retrouve dans les journaux, en tout cas. Oui, puis c'est comme une guerre permanente. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que les Américains font avec des bases nombreuses? Je pense qu'il y en a 7 ou 8, juste en Colombie même. Mm-hmm. Là, hein? Ben, qu'est-ce qu'on va nous répondre, disons, d'une façon officielle? Ah, c'est pour la guerre contre la drogue. Mm-hmm. Trafic de drogue. Mm-hmm. Ils vont dire la même chose pour la Bolivie. Pourquoi la Bolivie les inquiète? À cause de la drogue. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. On sait qu'en Colombie, ils ont trouvé là un régime complètement antidémocratique qui, avec à son service des paramilitaires, va suivre les États-Unis, qui vont permettre aux États-Unis d'occuper à toute fin pratique le pays avec leur base. Mm-hmm. Mais c'est comme un grand porte-avions fixe qui leur permet d'avoir les yeux sur toute l'Amérique latine. Donc, c'est des... Vidal ajoute ceci. Il dit, justement parlant de cette fameuse guerre à la drogue, il dit, le propre d'un empire, c'est le contrôle. L'empire, parce qu'il s'étend, parce que le propre, hein, si on revient à la source, tous les exemples historiques de l'existence des empires nous disent que l'empire, d'une façon inévitable, a un destin qui est le suivant. C'est que, à partir du moment où un pays devient empire, il n'a pas le choix que de prendre de l'expansion, de s'étendre et de subir une chute à un moment donné. Ça, c'est il n'y a pas un exemple dans l'histoire qui ne donne pas ce scénario. Mm-hmm. On s'étend et on tombe. Donc, il y aurait des signes. Alors, il dit, lui, que, par exemple, en revenant à la guerre officiellement, là, qui est la guerre contre la drogue, il dit que ça n'a jamais été qu'une façade. Alors, il confirme, il dit, ça, c'est le propre d'un empire étant le contrôle, mais contrôle intérieur et extérieur. Et il dit, cette guerre à la drogue à l'interne, aux États-Unis même, est une façon de contrôler la population. C'est par la guerre à la drogue qu'on a fait des États-Unis un État de plus en plus policier, répressif. Et à l'extérieur, on le disait tout à l'heure, donner l'excuse d'une guerre à la drogue pour exercer un contrôle sur les pays à l'extérieur. Donc ça serait l'Amérique latine. Fait que ça serait un des signes. Ça serait un des signes. Un des signes du déclin, c'est les témoignages de ces gens-là qui subitement prennent la parole pour dire on vous annonce. Mais c'est des gens qui viennent de. C'est pour ça que j'ai pris ces trois exemples-là. Qui viennent d'univers très différents. un qui était dans le milieu de l'information, l'autre qui est un romancier, mais un romancier engagé, et l'autre, c'est un grand économiste. Et les trois arrivent à la même conclusion. Quand même étonnant. Exactement. Alors, pour en revenir, parce que tu me disais que de plus en plus on en parle de ce déclin. Oui, oui. Ben, les signes qu'il mentionne, ils sont de plusieurs ordres. Puis, en fait, dans ce domaine-là, on aurait l'embarras du choix. Mais essentiellement, je crois que les futurs historiens vont identifier l'année 2003 comme moment initial de la chute de l'Empire. J'ai parlé tout à l'heure que le Vietnam était un signe de déclin, prémonitoire, mais la guerre de 2003, d'après moi, va être l'année, c'est-à-dire l'année de l'invasion et de l'occupation de l'Irak par l'armée américaine, va être considérée par les historiens comme le début de la chute de l'Empire. Ah oui, le début de la chute. C'est ça. Donc, ben, alors, sur le ces faits assez troublants, Robert, merci beaucoup, alors, pour, en tout cas, de nous avoir démontré un peu quelques signes du déclin de l'Empire américain. On va se quitter un court instant, le temps d'une pièce musicale. On se retrouve tout de suite après pour continuer cette discussion passionnante. Parce qu'il y a d'autres signes. Oui, hein. Donc, c'est un début. Alors, cette discussion passionnante avec Robert Jasmin, reste avec nous. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'en reste tranquille, m'a payé mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette, m'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, mon forcé en ciboire. Quand je verrai mon gant, pas d'alcool, pas de tabac, je vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout de kit, m'a crampé en masse, m'a taillé une place. Quand je verrai mon gant, m'a gravi les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop m'estader. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand verrai mon gant, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en, mon amène. Maman débouché une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TPK, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit c'est dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer. M'a flopé ma paye, m'a les vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur ta patte, cadran, patte, capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, elle va dire enfin un bon gars. Abraçons, m'a ouéré mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes, m'a va prendre l'anglais, m'a la prendre pour le vrai. Oh, sport, smart and blood, ils vont m'aimer en érode. Excellent citoyen, pas parfait mais pas loin, m'a mangé du poisson, m'a va faire du ski de fond, m'a m'acheter des records de Michel Rivard, m'a faire semblant. C'est intéressant quand verrai mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. C'était Richard Desjardins, le bon gars. Merci Nicolas. Alors, de retour au grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle. Nous sommes toujours en compagnie de Robert Jasmin, co-président d'Attaque Québec, avec qui nous étions en train d'évoquer les signes du déclin de l'Empire américain. Alors, on était donc au début de la chute de l'Empire, soit à l'an 2003, l'année où l'Irak a été envahi par les troupes militaires américaines. Oui, en fait, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce qu'on en aurait pour longtemps. Simplement pour rappeler que pour chaque dollar consacré, c'est-à-dire le coût annuel de... Attends, non, je vais reprendre ça. Aux États-Unis, pour chaque dollar consacré à la lutte contre les changements climatiques, 35 dollars vont aux dépenses militaires. Alors, on voit l'écart. C'est la très parlant. On voit c'est où sont les priorités. L'autre indice, en 2008, il y a deux ans, le Conseil national des services de renseignement des États-Unis a admis pour la première fois que le pouvoir global des États-Unis était sur une trajectoire déclinante. Ah oui. Ça, c'est un autre témoignage, si on veut. Le Conseil visait notamment le transfert de la richesse globale en disant qu'elle va de l'ouest vers l'est. Il prévoyait un long, c'est drôle, c'est les mots qu'ils emploient, un long et doux atterrissage de l'Empire vers 2050. 2050? Oui. Bon, ce qui veut dire dans 40 ans. Maintenant, c'est bientôt? Oui, mais ça, c'est en 2008 qu'on disait en ça. En plus? Mm-hmm. Maintenant, la plupart de ceux qui se prononcent sur la chute de l'Empire parlent plutôt de 2025. Oh, ça se rapproche. Alors, c'est subitement, en deux ans, là, on dit, oups, ça s'est accéléré. Les projections économiques disent que la Chine va dépasser les États-Unis dans 15 ans. Et malgré le discours du président des États-Unis en janvier 2010 à l'État de l'Union, qui disait la phrase suivante, je n'accepte pas une seconde place pour les États-Unis d'Amérique. Mais cet été, en août 2010, un grand sondage aux États-Unis nous apprend que 65 % des Américains croient que leur pays est dans un état de déclin. Quand c'est impressionnant. Hein? Tout à fait. Ça veut dire qu'eux vivent ça au quotidien. Alors, c'est un peu... Ça aussi, c'est des signes. Puis actuellement aussi, il y a beaucoup de fuites qui ont été dévoilées sur Wikileaks. Donc, ça ne doit pas vraiment aider l'Empire ces jours-ci? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, parce que là aussi, c'est un facteur d'accélération. Mm-hmm. Parce qu'il y a une espèce de momentum de vérité qui éclate partout. Et on voit que les alliés des Américains ne sont pas si fiables que ça. On voit leurs opinions sur les États-Unis. Et ça affaiblit les États-Unis. C'est sûr. Des alliés, je prends juste l'exemple qui a été donné hier par François Brousseau, qui parlait, par exemple, de la Pologne, puis disait que non seulement la Pologne, c'est un allié, mais c'est un allié très proche des États-Unis. Or, les notes diplomatiques qui ont été dévoilées par Wikileaks nous apprennent que de plus en plus, la population voit les États-Unis d'un autre œil. Alors, on voit, je pense qu'il y a quelque chose à surveiller, là, qu'on annonce, et qui va aggraver la situation, c'est les documents qui vont toucher, parce que ça vient par bloc. Hein? Si on remarque, jusqu'à maintenant, Wikileaks n'a rien touché de l'Amérique latine. Pas encore. Et ces notes-là s'en viennent. Là. Ah! Et il paraît que ça va dévoiler encore plus les interventions américaines et l'opinion que l'administration américaine a des gouvernements du Sud. Alors déjà... on voit qu'ils font un peu bande à part en Amérique du Sud. C'est à surveiller. Ah oui, ça va être des révélations à surveiller. Oui. Et puis, il y a aussi la situation économique, donc ça doit quand même être un facteur aggravant. Oui. Et là, ici, c'est vraiment important parce que à partir du moment où, à l'intérieur, l'Empire se dégrade, on imagine à l'extérieur, en périphérie. Alors, moi, je vois trois menaces vraiment importantes qui vont accélérer la chute. La première, c'est la place des États-Unis dans le commerce mondial. En 2008, les États-Unis, qui étaient au premier rang juste avant, sont passés au troisième rang en termes d'exportation de marchandises. Avant, les États-Unis étaient le grand exportateur. Maintenant, ils sont au troisième rang avec 11 % de toutes les exportations mondiales. La Chine est à 12%. Donc, la Chine exporte plus. Et l'Union européenne, 16%. La deuxième menace, c'est le déclin de l'innovation technologique américaine. Ah oui? Oui, parce que ça, c'est un peu surprenant, parce qu'on a toujours dit que les grands savants venaient des États-Unis, et c'est vrai, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais tous ces grands savants qui ont été formés à l'époque de l'âge d'or des États-Unis sont maintenant des retraités, des gens qui quittent, et il n'y a pas de relève. Et le signe suivant, c'est que après avoir occupé le premier rang pendant des décennies, pour les diplômés universitaires chez les 25-34 ans, les États-Unis sont passés au 12e rang en 2010. Le Forum économique mondial de Davos, le dernier, sur 139 nations, place les États-Unis au 52e rang quant à la qualité de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et la troisième menace, c'est l'abandon, et ça c'est extrêmement grave, c'est l'abandon progressif par plusieurs pays, l'abandon du dollar dans leurs transactions. Tout récemment, les Russes et les Chinois ont dit qu'ils avaient pris cette décision, et je cite, « pour protéger notre économie des problèmes qui ont ébranlé notre confiance dans le dollar comme monnaie de réserve mondiale. » Alors, on voit que... C'est quand même des signes importants de déclin. Oui, parce que là, c'était le dollar, la monnaie de l'Empire. Le point de référence. Et sur le plan militaire, est-ce que les États-Unis sont encore la superpuissance mondiale? Oui, dans les faits, oui. Okay. Dans les statistiques. OK, sur les statistiques. Dépenses militaires, tout ça. Mm-hmm. Mais comme il y a un paradoxe ici, cette puissance constitue, en fait, de plus en plus un poids à supporter. Et donc, la puissance devient une faiblesse. Faut dire que le maintien de plus de 700 bases dans le monde... Faut le rappeler. Le coût des guerres, il n'y a pas juste les bases qu'on entretient et qu'on paye chaque jour, mais il y a le coût des guerres, très impopulaire dans le monde. Et donc, non seulement ça leur coûte cher en dollars, mais ça leur coûte cher en termes de crédibilité aux yeux des... Et on peut dire en conclusion de ce point-là, se rappeler que la plupart des empires sont tombés suite à des interventions militaires. Eh bien... La dernière en liste, l'Union soviétique, en Afghanistan, 10 ans de guerre, et tout de suite après, la chute. Oh, il y a des ressemblances ici, hein? Oui, tout à fait. Et donc, dernier point peut-être pour conclure, c'est l'économie, donc, est quand même, américaine est quand même très dépendante du pétrole. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives à ce côté-là? Oui, alors là, c'est une évidence que dire que l'économie puis la vie américaine repose sur le pétrole. Donc, une très, très grande dépendance. Je passe sous silence les chiffres, mais simplement pour dire que les prévisions, c'est-à-dire actuellement, la Chine est devenue depuis cet été le premier consommateur d'énergie au monde. C'est donc la Chine qui va être, à partir de maintenant, à même de distribuer les cartes dans ce domaine. On prévoit qu'en 2025, la Russie et l'Iran vont contrôler la moitié du gaz naturel dans le monde. Donc, ça nous montre au niveau géopolitique, là, comment le pouvoir va basculer. Puis, il faut ajouter à cela, évidemment, le choc pétrolier qui s'en vient. Tôt ou tard, et qui va frapper la planète, et les États-Unis en particulier. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont accumulé un très grand retard en matière de développement de sources d'énergie alternatives. Alors, c'est un tableau qui est à la fois sombre et, d'une certaine façon, c'est curieux à dire, mais je pense que tout empire a été néfaste pour la planète. Et quand un empire disparaît, moi, ce que je peux souhaiter aux États-Unis et à la population des États-Unis, c'est de ne plus être un empire et de redevenir un pays normal. Eh bien, Robert, sur ces conclusions et révélations et pensées, Alors, on va déjà devoir se quitter. Encore merci de ce, encore une fois, d'avoir parlé des signes de ce déclin de l'Empire. Alors, merci infiniment d'être passé nous voir aussi. Alors, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve tout de suite après une petite pause publicitaire avec Fabien Dubuis pour parler permaculture. À tout de suite. Du 7 au 12 décembre, venez découvrir des artistes émergents qui ont fait leur marque à Québec avec le nouveau festival Relève en Capitale. Présenté par Première Ovation, Relève en Capitale vous propose une foule d'activités artistiques variées et originales. Théâtre, danse, musique, arts littéraires et arts visuels. Découvrez la programmation complète de cette première édition dès maintenant à premièreovation.com. Relève en Capitale, un rassemblement sans précédent pour la relève de Québec. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Exit, la musique du temps des fêtes, ou la musique telle qu'on la connaît. Pendant 24 heures, du jeudi 30 décembre midi au vendredi 31 décembre midi, CKRL 89.1 et Tartare vous invitent à sortir des sentiers battus et vous offrent un 24 heures d'art radio et de nouvelles musiques. Au programme, prestations en direct, extraits de spectacles, performances exclusives, survol des meilleurs albums du genre et plus. Une programmation concoctée par Éric Dorion, directeur artistique de Tartare. Une occasion exceptionnelle pour se risquer dans ce monde de sonorités nouvelles. 24 heures d'art audio et de nouvelles musiques. À CKRL, dès midi, le jeudi 30 décembre prochain. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... C'est CKRL 89.1. I would like electronics. You know, music is... It's so fantastic. Cultive tes goûts. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour notre deuxième partie d'émission. Alors, après avoir parlé du déclin de l'Empire américain, alors j'ai le plaisir de recevoir Fabien Dubuis, étudiant en étudiant en agronomie à l'Université Laval, qui va nous parler de permaculture. Alors bonsoir Fabien. Bonsoir Valérie. Alors tu as un intérêt particulier pour la permaculture. Oui, tout à fait. D'abord, j'aimerais vous introduire un rapport présenté à l'UNESCO en avril dernier, qui a été approuvé par 57 gouvernements. C'est une évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement. Ce qui ressort de ce rapport, c'est une profonde remise en cause de l'agriculture moderne et commerciale, notamment dans les pays souffrant de la faim. Les auteurs du rapport conseillent donc à ces pays de lutter contre la dépendance aux industries chimiques et semencières des pays développés et miser sur l'agriculture vivrière. Des modèles comme l'agriculture biologique ou la permaculture ont été évoqués dans le rapport. Évoquer la permaculture dans ce contexte-là, c'est particulièrement pertinent, vu que ce modèle a été développé dans un but d'autonomie régionale, d'autosuffisance et de préservation culturelle. Alors, donc, la permaculture, vous me parlez un peu d'autosuffisance. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la permaculture? La première définition que ces inventeurs ont donnée, ça a été un système évolutif intégré d'auto-perpétuation d'espèces végétale et animale utile à l'homme. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ouais. En gros, c'est un... Pour expliquer un peu à nos auditeurs. Ouais. C'est un écosystème agricole façonné pour les besoins de l'homme et qui vise l'autosuffisance, justement, et la meilleure efficacité énergétique possible. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix éviter les pertes de matière et d'énergie. Mm-hmm. C'est donc un système fermé dans l'idéal. Presque rien ne sort ni ne rentre. Et la permaculture, le mot permaculture désigne aussi la science qui a pour but de concevoir ces systèmes-là. Bon, ça encore, comment, c'est quand même théorique. Je suppose que tout à l'heure, on va avoir plus d'exemples. Mais donc, oui. Pourquoi on appelle ça permaculture? Ben, si on regarde le mot permaculture, mm-hmm. on s'aperçoit qu'il est composé de deux mots. Ah. Permanent, ah oui. dans le sens de durable, pérenne et résilient. Mm-hmm. Et culture, parce que ça touche non seulement l'agriculture, mais aussi beaucoup d'autres aspects d'un mode de vie, comme l'habitat, la production d'énergie et même l'organisation sociale. En effet, ces inventeurs s'inspiraient des théories de Kropotkin, c'est un théoricien anarcho-communiste russe. Ah bon? Et admettaient qu'une large acceptation de la permaculture implique une révolution dans les modes de vie et dans l'organisation de la société, notamment par une grande mobilisation du peuple pour la production alimentaire. Ok. C'est donc un modèle social pluridisciplinaire, basé sur l'agriculture, mais proposant aussi des techniques d'architecture ou d'artisanat, par exemple. Alors, quand même assez étonnant, mais c'est qui ces inventeurs-là? Ce sont des Australiens, des scientifiques australiens, Bill Mollison et David Holmgren. Respectivement biologistes et écologistes, ils ont beaucoup observé la nature et le fonctionnement des écosystèmes, et sont aperçus que l'homme pouvait et devait s'intégrer beaucoup mieux dans son environnement. Ils se sont inspirés de l'agriculture pratiquée dans certaines régions d'Asie, qui cherchaient à imiter les écosystèmes forestiers pour produire la nourriture de façon la plus naturelle possible. Ils ont créé la permaculture dans les années 70, c'est quand même assez vieux comme concept. Mm-hmm. Et ah ce non, sont... c'est pas récent, en tout cas ça fait pas... C'est pas dans les années 2000 finalement. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et ils se sont ensuite impliqués à la développer et à la faire connaître. Aujourd'hui, il existe plusieurs organismes actifs dans le développement et le partage des savoirs liés à la permaculture. Ça a quand même, c'est une idée qui a fait son chemin. Ah oui. Comme par exemple, en France, il y a une université populaire de permaculture, mmh. où il y a, à travers le monde, il y a plusieurs instituts de recherche et d'enseignement en permaculture, notamment en Australie, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, au Brésil, au Chili, en Jordanie, aux Philippines, etc. Est-ce qu'on en voit un peu à l'Université Laval ou c'est pas c'est un peu Non, ça reste marginal quand même. OK. Puis je suppose qu'il y a une éthique. Oui, bien sûr, la conception de communauté durable ne peut pas se faire sans une certaine éthique. Cette éthique peut se résumer en trois grands principes. Premièrement, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Moi, je trouve que c'est des beaux principes. Tout à fait. Ces principes sont inspirés de l'observation des bases morales des communautés les mieux intégrées à leur environnement, des sociétés qui sont parvenues à se maintenir pendant beaucoup plus longtemps que pourra se maintenir notre société moderne. Donc les premiers livres qui parlaient de permaculture étaient très axés sur des techniques de restauration d'un environnement sain et présentaient des concepts de design assez techniques et finalement peu accessibles. Ce qui fait que la permaculture est restée relativement marginale jusqu'à récemment. Mais dans les années 2000, David Holmgren, un des inventeurs, ainsi qu'un Anglais, Rob Hopkins, ont œuvré à faire connaître la permaculture et à rendre sa philosophie accessible au grand public. Le premier a écrit un livre présentant clairement les bases philosophiques de société durable post-pic pétrolier, tandis que le second a initié un mouvement d'ampleur mondiale se basant sur cette philosophie. Le mouvement des villes en transition, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui, tout à fait. Dans le cadre de ce mouvement, un grand nombre de villes à travers le monde ont commencé à appliquer ces principes et les permacultures, donc les systèmes agricoles durables, en foisonnent dans ces villes-là. Bon, mais en tout cas, génial. Merci Fabien de nous avoir donné plus d'informations ce que c'était, dans le fond, la permaculture. Donc, avant de continuer là-dessus, on va se laisser... Pardon? Continuer sur du concret. Alors oui, c'est ça, on va continuer sur du concret après la pause. Alors, le temps d'une petite pause musicale. Restez avec nous. On vient d'entendre Bernard Adamus qui nous chantait La Foule. Merci Nicolas. Alors, vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. On est toujours en compagnie de Fabien Dubuis avec qui on discutait permaculture et agriculture, plus spécifiquement donc l'éthique. Et donc, ma prochaine question, c'est concrètement là, comment une communauté qui agricole, dans le fond, qui serait ruinée, dans un pays en voie de développement, comment ils pourraient faire, dans le fond, pour entamer une transition vers la permaculture? Eh bien, en fait, le plus gros problème de ces communautés-là, c'est qu'elles ont perdu la plupart des espèces et variétés ancestrales qui faisaient partie de leur culture et qui assuraient leur subsistance. Elles l'ont perdu quand l'agriculture moderne est arrivée dans ces pays-là. Ah oui? Donc avec toutes les variétés modernes ultra sélectionnées à haut rendement. Un peu ce que Monsanto propose. Ou... Exactement. Okay. Beaucoup d'OGM. C'est des plantes qui sont des variétés qui sont mal adaptées à leurs conditions puisqu'elles ont été à la base développées dans les pays développés. Et donc elles sont souvent sous des contraintes qui empêchent les agricultures de produire leurs propres semences. Mm-hmm. Par exemple, des contraintes législatives pour les OGM, qu'ils n'ont pas le droit de récupérer leurs propres semences pour les ressemer. Parce que naturellement, quand on a une graine, là, la plante va faire d'autres graines, là, puis ouais, on peut ressemer. Donc, on n'aurait pas besoin d'acheter des semences tout le temps. Là. Exactement. Et c'est ça, une des bases d'une société durable, quoi. D'une agriculture durable. Donc et puis souvent aussi certaines variétés sont rendues infertiles. Par exemple, les raisins sans pépins. Oui. Donc ça c'est une variété infertile. Oui, c'est ça, on peut plus. Oui, c'est vrai. C'est logique. Donc l'arrivée de ces variétés-là, ça les a rendues dépendants vis-à-vis de l'industrie, vu qu'ils sont obligés d'acheter des nouvelles semences à chaque fois. Année, oui. Ouais. Et ça a créé bien des problèmes. Donc sortir de cette dépendance et faire un pas vers la résilience implique de rétablir une grande diversité d'espèces végétales et animales utiles. Si on combine dans un écosystème agricole des espèces qui tolèrent la sécheresse, d'autres résistances au froid, ou des espèces qu'on va récolter à différents moments de l'année, la production totale variera peu face à un choc climatique, par exemple. La production d'une espèce donnée va pouvoir être affectée beaucoup, mais si on plante plusieurs variétés d'espèces, ça va aller beaucoup mieux. On peut aussi importer des espèces utiles d'autres régions si on parvient à recréer les conditions propices à leur croissance. L'arrangement géographique des espèces selon leurs besoins et la topographie du terrain est l'un des principes de la permaculture. Les espèces ayant besoin de beaucoup de chaleur vont par exemple être plutôt disposées sur des versants exposés au soleil, au sud, pour nous dans l'hémisphère nord, ou être placées près d'un mur de pierre qui emmagasinera la chaleur le jour et la restituera la nuit. On peut arriver de cette manière à concevoir des systèmes ultra productifs dans des conditions extrêmes, comme en montagne ou dans un désert, par exemple. Ah, waouh, à ce point-là? Oui. Et mais sans quand même arriver à faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Non, on pourrait pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Non, bien sûr. Mais on peut créer des microclimats favorables à la culture de certaines espèces exigeantes. Les lisières et les haies brise-vent sont très bien exploitées en permaculture. Ce sont des écosystèmes particuliers, profitant à la fois de l'ensoleillement d'une prairie à découvert et de la protection qu'offre une forêt. Et ce sont des endroits très productifs et très diversifiés, car elles offrent un habitat idéal à bon nombre d'espèces. C'est le cas aussi de plusieurs autres types d'interfaces entre différents milieux, par exemple entre la mer et la terre, les côtes en fait. Ah, les côtes. On voit sur les côtes qu'il y a des populations animales et humaines d'ailleurs les plus nombreuses quoi, une plus grande diversité. Donc c'est ces intervalles là qu'on va chercher à recréer au maximum dans les permacultures. Excellent. Donc par la culture d'une multitude d'espèces différentes, on évite de rester dans le cycle destructeur de la monoculture de plantes annuelles qui requiert plus d'énergie qu'elle n'en produit et qui entraîne des pertes énormes par l'érosion des sols. Faut savoir qu'il y a 25 milliards de tonnes de terres arables qui sont balayées par le vent dans le monde chaque année. Waouh, oui. Ce qui représente 7% de la terre cultivable du globe qui s'en va chaque décennie. Et en plus de ça, il y a l'érosion de l'eau par la pluie qui est aussi extrêmement importante. Par exemple, en Chine, le fleuve jaune est à sec à plusieurs endroits parce que son lit s'est rempli de particules de sol qui ont été entraînées par la pluie jusque dans le fleuve où elles se sont déposées. On comprend bien que la solution à ce problème se situe à la source, c'est-à-dire à la ferme. Alors, mais comment la permaculture arrive à limiter l'érosion? Eh bien, le modèle de permaculture est basé sur l'observation des écosystèmes forestiers qui sont constitués de plusieurs étages. Donc il y a l'étage supérieur, les arbres les plus hauts, on appelle la canopée, regorgeant de biodiversité et producteur d'une importante masse de fertilisants, les feuilles. Les sous-étages composés d'arbustes, de buissons et de plantes herbacées. Et enfin, la faune et la flore du sol qui composent l'étage inférieur. On va donc chercher à recréer au possible ces étages en substituant aux espèces non productives des espèces utiles à l'homme pour la production alimentaire, la production textile ou même comme fourrage pour les animaux. En général, dans la grande variété de plantes qu'on retrouve dans une permaculture, il y a des arbres de différentes tailles, des buissons à petits fruits et un étage inférieur composé de plantes rampantes comme des fines herbes par exemple. Ce sont généralement des plantes pérennes. Ou vivaces, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'être replantées à chaque année et qui sont en général plus résistantes que les plantes annuelles. Donc une fois que le système s'est bien établi, ce qui peut prendre un bon nombre d'années, on a un couvert végétal permanent dont les racines, allant à différentes profondeurs dans le sol, lui permettent de garder une bonne structure et puis résister à l'érosion. Donc ce que je comprends, avant de continuer, c'est vraiment qu'il y a une restructuration globale là, de la terre qui est cultivée, là, puis qu'on implante là, des certains, bon, comme tu l'as décrit, là, des certains herbes et tout ça, là, pour qui va permettre d'éviter l'érosion, qui va pas changer tant que ça d'année en année. Là. Non, c'est ça. Vu qu'on a surtout des plantes pérennes, et puis beaucoup d'arbres. On voit que l'arbre est très important dans la permaculture. C'est des productions qui vont mettre longtemps à s'établir, mais qu'après qui vont vraiment fournir et nécessiter plus d'entretien, mais fournir une grande quantité de, de nourriture. Parce que dans ma tête, moi, j'ai vraiment des champs, des fois, un peu comme les monocultures, là. Je sais pas, par exemple, des vraiment, puis qu'il y a pas d'arbres, là. Il y a vraiment pas d'arbres. Donc, c'est dans, en tout cas, je sais pas pour les auditeurs aussi, mais j'ai de la difficulté un peu à m'imaginer dans nos terres avec des arbres, mais c'est vraiment intéressant. Et puis, est-ce qu'on peut produire des légumes dans une permaculture? Oui, en général, on cherche à utiliser le plus possible les formes pérennes des légumes auxquels on est habitué. Mm-hmm. On peut par exemple trouver des variétés d'oignons, de céleri ou d'épinards qui sont vivaces, donc qui nécessitent moins d'entretien et qui peuvent être intégrés à notre forêt alimentaire. Mm-hmm. Mais pour la plupart des légumes du potager, on utilise la méthode du jardinage en but, puisque c'est pas toutes les légumes qui ont des formes pérennes. Mm-hmm. Donc c'est une méthode couramment utilisée dans la production de légumes biologiques, là, mais sauf que on favorise souvent le compagnonnage, mm-hmm. c'est-à-dire les associations de plantes. Mm-hmm. On essaye de limiter le travail du sol en favorisant les organismes du sol comme les bactéries, les champignons et les vers de terre. Et là aussi, on essaye de jamais laisser le sol à nu en le recouvrant de paille ou de laine de mouton ou d'autres sortes de paillis qui vont ensuite se décomposer et puis enrichir le sol. Les serres aussi sont courantes en permaculture pour les semis hâtifs et les plantes qui ont besoin de chaleur. En général, elles font partie de la maison ou alors sont collées à celle-ci pour rentabiliser au maximum le chauffage. Et par rapport aux animaux, est-ce que c'est possible d'en élever aussi? Oui. Là aussi, comme dans tous les écosystèmes, les animaux ont un rôle essentiel à jouer. Un autre principe de la permaculture est que chaque élément du système remplit plusieurs fonctions, et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Les animaux, s'ils sont bien intégrés dans le système, peuvent assurer un contrôle efficace sur les plantes et les insectes nuisibles, tout en fertilisant le sol avec leur fumier, et assurant une production de viande ou d'autres produits animaux. Ils peuvent aussi servir de puissance motrice, les chevaux par exemple. Les animaux sont généralement élevés à l'extérieur, dans un milieu qu'on a aménagé de manière à ce qu'ils puissent se procurer eux-mêmes leur nourriture. Donc après l'aménagement du milieu et l'établissement des plantes fourragères, le travail se limite au contrôle des animaux, afin de les empêcher de détruire les productions destinées à l'homme. On peut aussi simplement, comme le fait un permaculteur autrichien, sacrifier quelques laitues qu'on sèmera en bordure de sa production. Les cochons qui raffolent des laitues laisseront les cultures tranquilles. Alors, c'est un bon truc, ça. Oui. Puis, donc, est-ce que ça existe en milieu urbain? Est-ce que ça... tu peux nous en parler un peu? Oui. Mm-hmm. On se rend souvent pas bien compte de la capacité des villes à produire la nourriture. Mais il suffit simplement de se promener dans un parc pour réaliser que les espaces verts sont pleins de plantes et d'arbres sans aucune utilité. Imaginons un peu si on remplaçait tous ces arbres et ces plantes inutiles par des noyers, des fines herbes ou des buissons à bleuets ou des érables à sucre. Ouais, on pourrait aller s'en chercher. Exactement. Ben, ça pourrait être aussi public que privé. Mm-hmm. On peut faire ça dans son jardin aussi. Mm-hmm. Dans ce cas-là, les villes pourraient produire une partie de leurs besoins et dépendent beaucoup moins des importations alimentaires. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Donc de nouveaux espaces, jusqu'alors inexploités, pourraient devenir très productifs. Les toits en béton, par exemple, pourraient être recouverts de terre, ce qui améliorerait d'une part l'isolation et permettrait aux résidents de pouvoir s'occuper d'un petit potager. On a encore plusieurs fonctions pour le même élément. Waouh, alors... Les immenses surfaces vitrées aussi... des immeubles à bureaux, mm-hmm. des grandes tours. Oui, oui. C'est des véritables serres en soi. Elles pourraient utiliser telles quelles. Pourraient mettre des pots, des plantes de tomates à la fenêtre. Puis ça pousserait. Ouais. Waouh. Alors tout le monde pourrait faire un peu de permaculture à la maison? Tout à fait. Wow. Il suffit juste d'avoir un peu de temps et de motivation. Mm-hmm. Même si ça n'implique pas grand-chose de planter quelques fines herbes en pot et de les mettre à la fenêtre de sa cuisine. Donc si vous souhaitez approfondir sur la question de la permaculture, mm-hmm. il y a une série de documentaires qui a été réalisée par Bill Mollison. Ça s'appelle Global Gardener, Et c'est disponible sur Internet. C'est diablement intéressant si vous comprenez l'australien.